Le paradis et l'enfer ne sont pas bien loin. Le monde les contient tous les deux. Il t'appartient de choisir. Je suis de retour pour mec, il prend du l'heure. Pour tous ceux qui me croyaient mort, je ressuscite au royaume du RAP. Un an et demi d'absence, toujours la même conviction. Pose tes affaires, mes casques, monte le son. Je vais te mettre en effervescence. Les infos, toujours les mêmes, de vagues qui font sang contaminé. En passant par l'Irak, les plus grosses bêtises du monde. On tue des innocents pour le flou, si chien et pétrole. Alors mon sang se déverse par Paris, ouais, par Paris. J'ai de la peine quand les gens meurent, du premier jour à leurs 100 ans. La guerre est sale et à l'heure du souper, à la télé, j'ai vu des gamins immobiles, j'y sur le sol, c'est le retour de la vague qui te plante sa dague. Un tourbillon de mots qui te conduit vers la lumière. Écoute ça, pas de blague, de tchatchou de drague. Regarde où nous en sommes, il n'y a pas de quoi être fier. C'est le retour de la vague qui te plante sa dague. Un tourbillon de mots qui te conduit vers la lumière. Écoute ça, pas de blague, de tchatchou de drague. Regarde où nous en sommes, il n'y a pas de quoi être fier. Dans les années 90, j'ai vu des choses que j'aurais jamais dû voir. Dans une maternelle, un fou armé dynamite, avec en otage des gamins pour cible. Aujourd'hui, j'ai perdu sourire quand Mona Lisa pleure mes couplets. J'ai de la compassion vers la famille en père et tire mon chapeau à sa mère Marie pour le geste d'amour. Malheureuse, heureuse à la fois, à peser la souffrance de son fils pour le meilleur des paradis blancs. Vivre c'est autre chose que de se tourner les yeux vers un plafond blanc. C'est le retour de l'enfer, les pleurs, la misère. Des puits d'acier, des corps couchés sans vie sur notre terre. Ils mettent à bas la morale, à coups de rafale. Regarde où nous en sommes, il n'y a pas de quoi être fier. C'est le retour de la vague qui te plante sa dague. Un tourbillon de mots qui te conduit vers la lumière. Écoute ça, pas de blague, de tchatchou de drague. Regarde où nous en sommes, il n'y a pas de quoi être fier. Sans transition, le soleil est au beau fixe. Et pour la finale de Coupe de France, Bastia accueille l'OM. Et comme un château de cartes, la tribune provisoire s'effondre. Visage ensanglanté, certaines familles verront le drame en direct. Argent corrompu, des innocents perdront la vie. Et encore, j'oublie le Rwanda et les avions dans les tours. Complètement excédés par les pédophiles. Que Dutroux soit exécuté sur la place du marché. Et sur le mur t'écrira, Ypen m'a tué. C'est le retour de l'horreur, l'enfance et la peur. Désir pervers caché que l'on prendra pour des rumeurs. Jeunesse perdue sous les larmes, une âme sans armes. Regarde où nous en sommes, il n'y a pas de quoi être fier. C'est le retour de la vague qui te plante sa dague. Un tourbillon de mots qui te conduit vers la lumière. Écoute ça, pas de blague, de tchatchou de drague. Regarde où nous en sommes, il n'y a pas de quoi être fier.